Ça va? Oui. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de ce soir, bihawlillahi ta'ala, ce sera qissatul ifk, qui est le récit de la calomnie contre Aïcha, radiyallahu anha. Mais avant cela, il faudrait déjà replacer le contexte historique. Et à quelle période et à quel moment s'est passé cet événement? Et cet événement, il s'est produit après le retour du prophète, alayhi salatu wassalam, de la bataille des Bani al-Mustaliq, yani Ghazwat al-Muraysi'a. Ghazwat al-Muraysi'a, qui est en fait un endroit qui est entre la Mecque et Médine. Cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aghara alayhim, yani ghazahum wa hum gharoun, ay ghafiloun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu cette tribu des Bani al-Mustaliq, alors qu'ils étaient, il les a pris yani par surprise, ils étaient distraits, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis au prophète alayhi salatu wa salam de gagner cette bataille. Wa tazawwaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ghazwa bi Juwayriya bint al-Harith. Et lors de cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Juwayriya, la fille de al-Harith, qui était la fille du chef des Bani al-Mustaliq. Faraja al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il est revenu à Médine. Wa Sayyid al-Qawm, et le chef de cette tribu des Bani al-Mustaliq, qui était al-Harith ibn Abi Dhirar, aslam, il est rentré dans l'islam, wa lillahi alhamd, wa hasuna islamuhu. Et son islam s'est perfectionné par la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma raja'a ila al-Madina wa fi tariqi ruju'ihi habbat rih. Et lors du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, comme on a dit, al-Muraysi' c'est un endroit qui était entre Mecca et Médine, et lorsqu'il revenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien un vent s'est mis à souffler. Ja'a fi sahih Muslim من حديث جابر رضي الله عنه أنه حينما قدم من سفر وهكذا جاء في مسلم. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu d'un voyage. Et c'est ainsi que c'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il ne dit pas quel voyage, mais il dit il revenait d'un voyage. ولكن جاءت في روايات أخرى عند ابن إسحاق وغيره وعند أحمد في المسند أن هذا السفر كان عند رجوعه من غزوة بني المصطلق. Et il est rapporté dans d'autres versions, comme le rapporte Ibn Ishaq ou l'imam Ahmed, qu'il revenait en réalité de la bataille des Bani al-Mustaliq. Il revenait de Al-Muraysi'a. Comme on a dit, c'est un endroit qui est entre la Mecque et Médine. فَلَمَّا قَرُبَ الْمَدِينَ وأراد أن يدخل المدينة هاجت ريح شديدة. Et quand il a voulu ou il s'est approché de Médine, il y a eu un vent violent qui s'est levé. Un vent violent, تكاد هذه الريح أن تدفن الراكب كما جاء في مسلم. Et ce vent Yani il a failli, tellement il était violent, il a failli faire disparaître, yani sous ce vent de sable, les gens disparaissaient, c'est-à-dire qu'on ne les voyait plus, et tellement ce vent il était fort, c'est-à-dire qu'il les faisait dévier de leur destination. Comme a dit Muslim, yani tudfin al-raqib bima'na ay tughayyibuhu 'an an-nas wa tadhhabu bihi ba'idan li shiddati hadhihi ar-rih. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما رأى هذه الريح قال بعثت هذه الريح لموت منافق. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم a vu ce vent violent, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Il a dit, ce vent violent a été envoyé pour annoncer la mort d'un hypocrite. Ce vent a été envoyé pour annoncer la mort d'un hypocrite. فلما قدم المدينة ودخل المدينة إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. Et quand il arrive à Médine, فعلاً, il y avait un des chefs des hypocrites qui était décédé. وهذه الرواية في مسلم. Et donc cette version elle est rapportée dans l'authentique de l'imam Muslim. من هو هذا المنافق؟ Qu'est-ce qui c'était, hein, cet hypocrite? Qui était cet hypocrite؟ جاء في رواية خارج الصحيح عند عبد ابن حميد أنه رافع ابن التابوت. Il est rapporté, hein, dans des versions qui sont pas dans les authentiques ou dans l'authentique de Bukhari ou Muslim, que cet hypocrite il s'appelait رافع ابن التابوت وهو عظيم من عظماء المنافقين. Et c'était un homme puissant parmi les hypocrites. ورأس من رؤسائهم. C'était un des leaders et un des chefs des hypocrites. وجاء عند غيره عند ابن إسحاق في سيرته أنه رفاعة ابن زيد ابن التابوت. Et dans d'autres versions, il est rapporté que son nom était رفاعة. Hein? رفاعة ابن زيد ابن التابوت. Et الواقدي, il rapporte que cette personne, cet hypocrite, il s'appelait زيد ابن رفاعة. على كل حال, peu importe son nom, on sait que c'était le fils de التابوت. Hein? وإن اختلف العلماء في اسمه. Les savants, à la كل حال, ils ont divergé sur son nom. À la كل حال, on sait que c'était ابن التابوت. C'était le fils de التابوت. طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم, et dans d'autres versions, il est rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il est revenu de cette bataille, la bataille de Bani al-Mustaliq, hein, salak al-Hijaz hatta nazala ala ma'in bil Hijaz. Et dans d'autres versions, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu, il a remonté Hijaz. Et le Hijaz, comme vous le savez, eh bien c'est la partie ouest sur la côte de l'Arabie, de la péninsule arabique. Et Najd, c'est la partie centrale. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remontait le Hijaz. Et le Hijaz, c'est où est-ce qu'il y a Médine et Mecca. Et il est arrivé à une source, à un point d'eau qui s'appelait Fouayq al-Naqiyya. وهذا الماء أو هذه الماء يقال لها بقعة. Et cet endroit ou ce point d'eau, on l'appelait بقعة. طيب. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة. Et donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم est parti de là-bas, il y a eu, comme on a dit, un vent violent. Dans cette version, un vent violent est apparu. فآذتهم وتخوفوها. Et donc les gens, quand ils ont vu ce vent, ils en ont eu peur. خافوا منها لقوتها وشدتها. Ils en ont eu peur parce qu'il était violent, ce vent était extrêmement violent. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخافوها. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il leur a dit, n'ayez pas peur de ce vent. فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans cette version, ce vent a été envoyé pour annoncer la mort d'un des chefs, hein, parmi les non-croyants. فلما قدموا المدينة وجدوا أن هذا الرجل رفاعة بن زيد بن التابوت وجدوه قد مات. Et donc quand ils sont arrivés à Médine, véritablement ils ont trouvé que un des hommes, dans une version c'était un hypocrite, dans une version c'était un non-croyant, il était vraiment décédé, Rifa'a ibn Zayd ibn Tabut. Il est mort, hein, et il faisait partie, hein, parmi les chefs des Juifs. قالوا إنه من بني قينقاع. Et il est dit que il faisait partie de la tribu des Bani Qaynuqa. Azhar al-Islam nifaqan wa kana kahfan lil munafiqin. Ils ont dit que il faisait apparaître l'islam, mais en réalité c'était juste une protection, et il protégeait également ses amis parmi les hypocrites. لهذا جاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أن عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول الذي هو أيضا رأس المنافقين تأثر أشد الأثر حينما رجع إلى المدينة وسمع بموت هذا المنافق. Et c'est pour cette raison que dans cette certaine version, même si dans ces versions il y a une faiblesse, il est rapporté que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était la tête des hypocrites à Médine, quand il est revenu et il a vu que cette personne était décédée, eh bien ça l'a extrêmement touché. Ça l'a extrêmement touché quand il a entendu la mort de cette personne qui était un hypocrite. Wa dhalla yadhkuru mahasinahu wa yu'addiduha. Hein, wa huwa munafiq wa hadha munafiq. Il a commencé à faire les éloges de cette personne qui était décédée, alors que hein, et à les dénombrer, les éloges de cette personne, et alors qu'en réalité lui c'était un hypocrite, et l'autre également était un hypocrite. على كل حال هذه الريح كانت عند رجوعه عليه الصلاة والسلام. Donc ce vent, il s'est produit, il est arrivé lors du retour du prophète عليه الصلاة والسلام à Médine, quand il est revenu de la bataille de Al-Muraysir ou la bataille de Bani al-Mustaliq. C'est la même chose. ولا يفهم أحدكم أن هذه الريح والتي هي جند من جنود الرحمن أنها هي التي تتصرف في موت الناس وفي حياتهم. Et par contre, il y a une chose à ne pas comprendre. Hein? Des gens pourraient mal comprendre une chose, c'est que ce vent qui a été envoyé, c'est elle qui a régi et qui décide la mort d'un tel ou d'un tel. Là, la personne de ce hadith, elle ne doit pas comprendre ceci. Hein? ليس هذا المراد. يعني le but qui est voulu par ce hadith, c'est pas ça. La compréhension, ce n'est pas ceci. ولا شك أن هذه الظواهر هي من الله عز وجل. Et il n'y a aucun doute que ces phénomènes, elles viennent d'Allah. Ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vent, la pluie, etc. Ces phénomènes-là, ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas eux qui régissent la mort ou la naissance d'un tel. Là. Hein? والناس في الجاهلية كانوا يظنون أن الشمس إذا انكسفت إنما تنكسف لموت عظيم وكذا القمر. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقيدة. Et les gens avant l'islam, ils pensaient que, eh bien, c'était des événements et des phénomènes naturels qui régissaient, hein, la mort ou la vie d'un tel ou d'une telle. Comme par exemple, ils pensaient que si il y avait une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, eh bien ça annonçait la mort d'une personne puissante. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a invalidé cette croyance. Il a rendu caduque cette croyance. فَلَمَّا مَاتَ إِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ وَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَبَيَّنَ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ. Et quand le fils de Muhammad, prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort, son fils Ibrahim est décédé, et ce jour-là a coïncidé avec une éclipse solaire. Ça a coïncidé avec une éclipse solaire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont pensé que, eh bien, ça annonçait la mort du fils du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il a prêché, et il a dit aux gens, il leur a expliqué que le soleil et la lune ne s'éclipsent pas pour la mort ou la naissance d'une personne. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de cela. إذن هذه الريح كانت كالعلامة فقط. Donc, en réalité, ce vent qui est arrivé pour annoncer la mort, c'était juste un signe. Hein? C'était juste un signe et un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer et afin de lui montrer, eh bien, la mort de cette personne parmi les hypocrites. Et il a également reçu la révélation, hein, comme quoi c'était un hypocrite qui était mort à ce moment-là. إذن هذا هو المقصود من إرسال هذه الريح. Donc ça c'était ce qui était voulu, hein, et la raison de l'envoi de ce vent violent qui est apparu à ce moment-là. فبعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. Après cela, le prophète صلى الله عليه وسلم il est revenu à Médine. بعد هذه الحادثة وبعد هذه الغزوة. Après cette bataille, il est revenu à Médine, après la bataille de Bani al-Mustaliq. Après cette bataille, eh bien, il y a eu l'événement de la calomnie concernant Aïcha radiallahu anha, qui est appelée Hadithatul Ifk en arabe. La calomnie qui concerne Aïcha radiallahu anha. Wa min al-ma'loum anna Aïcha radiallahu anha kharajat ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est connu que Aïcha radiallahu anha, elle était sortie lors de cette bataille, elle était partie avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Fi hadi al-ghazwa, ghazwat Bani al-Mustaliq. فقد جاء عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. Il est rapporté dans le Bukhari que le prophète صلى الله عليه وسلم d'après Aïcha رضي الله عنها que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il voulait voyager qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait au sort parmi ses épouses. Il tirait au sort parmi ses épouses. Et celle qui était tirée au sort, elle venait avec lui. Celle qui était tirée au sort, elle venait avec lui afin de ne léser personne. Pourquoi? Parce que s'il choisit à chaque fois la même, les autres vont s'en sentir lésés. Donc il tirait au sort. Hein? Il tirait au sort, et à chaque fois, celle qui était tirée au sort, elle venait avec lui. فحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه في هذه الغزوة غزوة بني المصطلق. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, au tirage au sort, eh bien, ce soit Aïcha radiallahu anha qui aille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette bataille, la bataille de Bani al-Mustaliq. فَخَرَجَ سَهْمُهَا radiallahu anha فَخَرَجَتْ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Donc il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette expédition, lors de cette bataille. فَخَرَجَتْ مَعَهُ وَحُمِلَتْ عَلَى الْهَوْدَجْ. Il est sorti avec lui et on transportait, comme c'était de coutume à l'époque, les femmes sur un palanquin ou sur un baldaquin. Et on le mettait sur un chameau, soit c'est des hommes qui le portaient. فلما أرادوا الرجوع ورجعت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم آذن ليلة بالرحيل. يعني أخبر أصحابه أننا سنرحل حتى يتجهزوا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a voulu rentrer à Médine, il a dit à ses compagnons, préparez-vous, cette nuit on va partir. Hein? Cette nuit, on va partir. Donc il a laissé ses compagnons se préparer, etc. Et Aïcha radiallahu anha également s'est préparée avec les gens. Elle a préparé ses affaires, hein? Et elle a commencé, hein, à s'apprêter à voyager avec les autres. فَبَيْنَمَا هِيَ تُرِيدُ أَيْضًا أَن تَتَجَهَّزْ وَتَمْشِ مَعَ النَّاسِ لَمَسَتْ صَدْرَهَا. Et au moment où est-ce qu'elle a voulu partir avec les gens et qu'elle était prête, elle a touché sa poitrine. Hein? Elle a touché sa poitrine. فَإِذَا الْعِقْدُ قَدْ سَقَطَ وَانْقَطَعَ. Et elle avait un collier. Et ce collier, il était tombé, il s'était déchiré. Et il est tombé, elle a perdu. Hein? Son collier qui était à son cou, elle a vu qu'elle ne l'avait plus. لِهَذَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ والحديث في الصحيحين قالت فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أو جزع ظفار. يعني هو نوع من الأنواع العادية, قلادة عادية فيها خرز, وقالوا إنها ظفار يعني من اليمن, يعني خرز يماني. Il est rapporté que elle a touché dans الصحيحين, elle a touché sa poitrine, et c'est elle qui rapporte ça, elle a touché sa poitrine, elle a vu que, eh bien, son collier en onyx, qui est un minéral et une pierre, il est tombé. Hein? Il est tombé et donc il est revenu le chercher. فرجعت تلتمس هذا العقد. وهذا هو السبب في تأخر عائشة. Et ça a été la cause, eh bien, du retard de عائشة رضي الله عنها. ما الذي حبس عائشة وما جعل الجيش ينطلق. Donc ça c'était la cause du fait qu'elle soit retardée. السبب أنها رجعت تلتمس العقد فحصل أنها حبست وتأخرت وانطلق الجيش. Donc ça c'était la cause, le fait de rechercher son collier. Et donc eux ils sont partis, ils l'ont laissé, et elle est restée à rechercher son collier. والجيش هؤلاء الذين يحملون الهودج. الهودج كما قلنا هو عبارة عن مركب تركبه المرأة. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le palanquin et ils l'ont pris, ils sont partis avec. Et ils n'ont pas senti que Aïcha radiallahu anha, eh bien, elle n'était plus dedans. Parce qu'ils ne l'ont pas vu partir. Elle n'était plus dedans, et ils pensaient qu'elle était dedans, et ils sont partis avec. Mais ils n'ont pas allé au poids, et comme on va l'expliquer, ils n'ont pas fait attention, et ils n'ont pas remarqué que Aïcha radiallahu anha n'était plus dedans. Et le palanquin, comme on a dit, eh bien, c'est une structure en bois auquel eh bien, on met eh bien, des tissus pour cacher la femme qui est dedans. Taïb, vous savez tous qu'est-ce que c'est. فهؤلاء الرجال لما جاءوا يحملون هذا الهودج حملوه ورحلوه على البعير. Donc ils ont porté ce palanquin et ils l'ont mis sur la monture, sur la chamelle, et ils n'ont pas senti que Aïcha radiallahu anha n'était plus là-bas, n'était plus dedans. أن عائشة رضي الله عنها ليست معهم أو ليست في الهودج لأن هذا كان بعد ما أنزل الحجاب. Donc ça a été après la révélation du hijab. Ils n'ont pas vu que Aïcha radiallahu, ils ont pas senti que Aïcha radiallahu anha, elle était dans ce palanquin. Hein? Ils n'ont pas senti qu'elle n'était plus, pardon, dans ce palanquin. وهذه الغزوة كانت بعد نزول الحجاب. Et cette bataille, elle s'est produite après la révélation de l'obligation du hijab. Hein? Comme ceci est rapporté dans des versions. بعد ذلك Aïcha radiallahu anha ذكرت السبب. Après cela, Aïcha radiallahu anha nous donne la cause. Pourquoi ils n'ont pas remarqué qu'elle était, elle n'était pas dans le palanquin. فقالت وكان النساء إذ ذاك خفافا. Elle dit, ils n'ont pas remarqué. Pourquoi? Parce que les femmes à cette époque-là, elles étaient légères. Elles étaient légères. المرأة كانت خفيفة. خفيفة ليس فيها الشحم. واللحم لأنهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت المرأة تأكل الشيء اليسير من الطعام قالت وإنما يأكلن العلقة من الطعام. Les femmes elles étaient légères, elles n'avaient pas de graisse, hein? Elles n'étaient pas grasses, hein? Les femmes à cette époque elles n'étaient pas grasses. Et عائشة رضي الله عنها elle-même elle nous dit pourquoi. Elle dit que à l'époque les femmes elles mangeaient العلقة, c'est-à-dire un peu, pas beaucoup. Elles ne mangeaient pas beaucoup. Les femmes à l'époque, elles ne mangeaient pas beaucoup. فَمَسْتَنْكَرَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عِنْدَمَ حَمَلُوا الْهَوْدَجِ. Et donc quand ils ont porté le palanquin, ils n'ont pas remarqué. Hein, parce qu'avec ou sans Aïcha, c'était pratiquement la même chose. Vu que les femmes à l'époque, elles étaient légères. وَوَجَدُوهُ خَفِيفًا لِأَنَّ عَيْشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ خَفِيفًا. Donc ils l'ont trouvé léger. Ils se sont dit, bah, Aïcha, elle doit être dedans. Et ils l'ont mis sur la monture. Et ils sont partis. وَلَا سِيَمَا أَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِ. Et encore plus parce qu'elle était jeune en plus. عَيْشَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا elle était jeune. Elle n'était pas âgée. Donc raison de plus de croire qu'elle était dedans. Même si, eh bien, cette structure était légère. فَبَعَثُ الْجَمَلُ وَسَارُوا وَعَيْشَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا وَجَدَتْ الْعِقْدِ لَكِنَّهَا لَمَّا وَصَلَتْ إِلَى الْمَكَانِ وجدت أن الجيش قد استمر في مشيه وراح وتركها. Et quand elle est revenue à l'endroit où est-ce que elle devait monter dans le palanquin, elle a trouvé que les gens étaient partis et que l'armée était partie, les soldats étaient partis et il n'y avait plus personne et il l'avait laissé là-bas. فرجعت إلى منازل القوم التي كانت فيها فتيممت منزلها التي كانت فيها. Donc elle est restée à l'endroit. Hein, à l'endroit où est-ce qu'elle était, en pensant qu'ils allaient revenir la chercher, qu'ils allaient remarquer, et qu'ils allaient revenir la chercher. Donc elle est restée là-bas, et elle a passé la nuit là-bas. Hein, elle s'est endormie là-bas, et il y a un des compagnons qui s'appelle Safwan, Ibn al-Mu'attal al-Sulami, radiallahu anhu, il est venu. Lui aussi, il a été retardé. Il a été retardé de nuit. Hein? Et donc, il a vu Aïcha radiallahu anha. Et quand il a vu Aïcha radiallahu anha en train de dormir, il l'a reconnu. Il l'a reconnu comme Aïcha radiallahu anha le dit. فَعَرَفَ أَنَّهَا عَائِشَةً. Il a reconnu que c'était Aïcha. Pourquoi? Parce qu'il la connaissait avant la révélation du hijab. Il connaissait sa silhouette avant la révélation de l'obligation du hijab. فقالت عائشة رضي الله عنها فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب. Elle a dit, Aïcha radiallahu anha, il m'a reconnu dès qu'il m'a vu, parce qu'il m'avait déjà vu avant la révélation de l'obligation du hijab. فاستيقظت عائشة radiallahu anha. Donc Aïcha s'est réveillée de son sommeil, hein? Et qu'est-ce qu'il a réveillé? Qu'est-ce qu'il a réveillé? استرجاع صفوان. استيقظت باسترجاعه. Ça veut dire quoi استرجاع? Quelqu'un sait ça veut dire quoi استرجاع? Hein? Là? استرجاع, c'est le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ça l'استرجاع. Comme التحميد, le fait de dire alhamdulillah. التهليل, le fait de dire la ilaha illallah. Wa l'استرجاع, c'est le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et donc c'est ça qui l'a réveillé. Le compagnon Safwan ibn al-Mu'attal, quand il a vu, il a dit ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons et c'est Allah, c'était vers Allah que c'est vers Allah Azza wa Jal que nous retournerons. لما عرف عائشة وأنها عائشة كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Quand il a reconnu Aïcha, il n'a pas arrêté de dire ça. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers Allah que nous retournons. Aïcha رضي الله عنها ماذا صنعت؟ Qu'est-ce qu'elle a fait Aïcha رضي الله عنها؟ فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. Qu'est-ce qu'elle dit Aïcha رضي الله عنها؟ Elle dit j'ai remis hein, mon gilbeb, c'est-à-dire qu'elle a remis son gilbeb sur elle et sur son visage. Et elle dit par Allah, nous n'avons dit aucune parole. Hein, et je n'ai entendu de lui aucune parole si ce n'est le fait de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Comme Aïcha radiallahu anha, elle dit ma sami'tu shay'an abada. Elle a dit j'ai rien entendu de lui, il n'a même pas parlé, à part le fait de dire Inna lillah. Même pas un mot. Hein? Il n'a même pas dialogué avec moi ou essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Même pas questionné. Juste il disait ça. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Thumma ba'da hadha anakha ar-rahila fa rakibat Aisha radiyallahu anha fa intalaqa biha yaqudu Aisha wa Aisha radiyallahu anha rakiba 'ala ar-rahila. Après cela, il a fait braquer sa monture, Aïcha radiallahu anha, elle est montée et lui il tirait la monture. Il marchait et il tirait sa monture. Yaqudu min amam ar-rahila. Devant la monture, il marchait et Aïcha radiallahu anha, elle était derrière, sur la monture. Hein, elle était montée sur le dromadaire. Yaqudu hadhihi ar-rahila hatta ataw al-jaysh. Jusqu'à ce qu'ils aient rejoint les soldats, l'armée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ba'da dhalik wasalu ila al-jaysh fi waqt al-dhahira. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont arrivés et ils ont rejoint l'armée au moment de Zahira. Yani où est-ce que le soleil était à son zénith, c'est-à-dire où est-ce qu'il faisait le plus chaud de la journée. Où est-ce qu'il faisait le plus chaud de la journée? Kama jaa fi riwaya ba'da ma nazalu mughirin fi nahr adh-dhahira. Yani fi waqt shiddat al-harb wa kanu ka'annahum nazalu lil qailula. Il dit, il est rapporté dans ce hadith, ils les ont rattrapés au moment où est-ce que le soleil était le plus chaud. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés à ce moment-là pour eh bien, faire le qailula, faire une sieste, pour se reposer. Parce que le soleil était à son endroit le plus élevé, donc il faisait très très chaud, ils se sont arrêtés pour se reposer. فَقَالَتْ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن سلول. عائشة رضي الله عنها qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit après cela a parlé celui qui a parlé sur moi, mais celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande partie de la calomnie c'est عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين, qui était le chef des hypocrites. الذي ليس همه إلا إثارة الفتن أو الفتنة. Et lui son seul but c'était quoi? C'est la propagation des troubles parmi les musulmans. فقد ماذا لما رأى عائشة رضي الله عنها على البعير أو على الراحلة وكذلك رأى صفوان يقود هذه الراحلة أثار أن عائشة رضي الله عنها حصل منها ما حصل مع صفوان حشاها رضي الله عنها وحشا صفوان رضي الله عنه وأرضاه. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, quand il a vu Aïcha radiallahu anha sur la monture et que Safwan tirait la monture, eh bien, il a dit que entre Safwan et Aïcha radiallahu anha, il s'est produit, eh bien, l'adultère, iyadan billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, lui donne ce qu'il mérite. فَقَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةِ فَشْتَكَتْ. Donc, il les a accusés. C'est lui qui a ramené et chargé la plus grande partie de la calomnie, c'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Quand il les a vus comme ça, c'est lui qui a commencé à propager la fitna, les troubles et cette calomnie. Ensuite, elle dit, nous sommes retournés à Médine. Nous sommes arrivés à Médine et elle s'est plainte et elle est tombée malade. Radiyallahu anha wa arda. Wa kana hadha al-marad li muddati shahr. Donc elle est tombée malade pendant un mois. Elle est tombée malade, radiyallahu anha, pendant un mois. Wa an-nas yafidhun. ويتكلمون ورأس المنافقين يبث هذا الخبر وينشره وهو قول أهل الإفك. Et donc durant ce mois, les gens ont commencé à parler. Hein? Ils commençaient à propager par l'intermédiaire de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, cet hypocrite. Ils ont commencé à propager, eh bien, cette information comme quoi Aïcha radiallahu anha était tombée dans l'adultère avec Safwan ابن المغف ابن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. عائشة رضي الله عنها لا تشعر بذلك ولا شعرت بشيء ولا تعلم أنها أنما شيء واحد. عائشة رضي الله عنها s'est pas rendu compte de cela. Elle était malade, hein? Elle s'est pas rendu compte que elle ne savait pas que les gens parlaient sur elle. Elle était malade pendant un mois. Elle s'est rendu compte juste d'une chose, hein? شيء واحد هو الذي شعرت به عائشة رضي الله عنها. وهو الذي اختلف عليها. Et c'est une chose, hein, qui dans ses habitudes, dans les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est modifiée. Et c'est quoi cette chose? Cette chose, c'est le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein, كان لطيفا عندما كانت يعني عائشة رضي الله عنها مريضة كان لطيفا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم معها. Hein? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha radiallahu anha elle était malade, eh bien il était compatissant avec elle. Il était doux avec elle. Hein? Et là, cette fois-ci, c'était pas pareil. Cette fois-ci, pendant qu'elle était malade pendant un mois, il n'était pas pareil. Hein? Il n'était pas comme d'habitude avec elle. Et ça, elle l'avait senti, radiallahu anha. فالذي كانت تجده حين تشتكي لهذا قالت radiallahu anha وهو يريبني. ما معنى يريبني؟ يعني أنها تتعجب وتستغرب أنها كانت إذا مرضت كانت تجد اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللطف المعتاد الذي كانت تجده من النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده في هذا المرض. يعني الديزاب رضي الله عنها et bien que le prophète صلى الله عليه وسلم cette fois-ci il n'était pas compatissant avec moi, hein? Et ça, ça l'a choqué. D'habitude il venait, il demandait de ses nouvelles, il s'asseyait, etc. Comment ça va? Cette fois-ci, eh bien, elle nous raconte comment il faisait le prophète alayhi salatu wassalam. فَقَالَتْ وَهُوَ يَرِبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَيْكُمْ. Hein? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle était malade, lors de cette maladie là plus précisément, eh bien elle disait je ne trouvais pas la compassion que je trouvais dans les autres maladies que j'ai eues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci quand il rentrait, eh bien il disait كيف تيكم, alors que d'habitude il ne disait pas ça. Et on va expliquer c'est quoi كيف تيكم. لا يزيد على هذا يدخل على عائشة رضي الله عنها يسلم عليها السلام عليكم. Il lui passait le salam. ثم يقول كيف تيكم. Ensuite il disait, hein, كيف تيكم. تيكم هذا إشارة إلى المؤنث إلى عائشة رضي الله عنها. Ça, ce mot تيكم, en fait c'est un démonstratif. يعني comment allez-vous? Il disait ça, c'est tout. Comment allez-vous? كأنه يقول كيف حالك؟ Comment allez-vous? Hein? Il y a une distance. Il a mis comme une distance entre lui et Aïcha رضي الله عنها. لكنه يخاطبها بهذا الأسلوب. كيف تيكم? Hein? C'est comme si tu disais comment allez-vous? Hein? Mais il disait d'une manière distante. Hein? كيف تيكم? فذاك يريبني عائشة رضي الله عنها تقول هذا الشيء فقط. يعني il était distant عليه الصلاة والسلام. هذا الذي شعرت به. Ça c'est la seule chose qu'elle a remarqué. عائشة رضي الله عنها. قالت لا أشعر بالشر. Et je ne me doutais d'aucun mal. Je voyais que cette chose-là qui était différente chez le prophète عليه الصلاة والسلام. لا تدري ولا تشعر رضي الله عنها بما صنعه أهل النفاق من نشر هذا الخبر والطعن في عرضها رضي الله عنها وأرضاه. Donc elle n'avait aucune, يعني elle ne se doutait de rien, hein, de ce que faisaient, eh bien les gens des hypocrites, hein, et la propagation qu'ils avaient fait de cette calomnie et le fait qu'ils aient يعني parlé sur son honneur رضي الله عنها. Elle ne se doutait de rien. Elle était malade pendant un mois. بعد ذلك خرجت شفاها الله تعالى ونقحت من هذا المرض يعني شفيت وبرأت. Après cela, hein, ولله الحمد, par la grâce d'Allah عز وجل, elle s'est sentie mieux. والحمد لله. فخرجت مع أم مصطح. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie avec une femme qui est une proche de sa famille, Umm Mustah. Umm Mustah, sahabiyya, jalila. Wa hiya bintu Abi Ruhm, ibn al-Muttalib. Hadi sahabiyya, hiya Umm Mustah. Donc cette femme compagnon, qui est Umm Mustah, hein, elle avait un fils qui s'appelait Mustah, radiyallahu anhu, qui a assisté à la bataille de Badr. Qui a assisté à la bataille de Badr. Et donc il est sorti avec Aïcha radiallahu anha, Umm Mustah, wa kanu yuridun al-khuruj li qada' al-haja. Et ils voulaient faire leurs besoins. Parce qu'à l'époque, hein, les femmes, quand elles voulaient faire leurs besoins, elles y allaient de nuit. Elles y allaient de nuit, elles allaient à l'écart pour que personne ne les voit. Et de nuit pour que personne ne les reconnaisse. Fa kanu la yakhrujuna illa fil layl. Ils sortaient pour faire besoin que la nuit. وذلك قبل أن يتخذوا الكنف. Et ça avant que, eh bien, ils ne prennent des endroits spécifiques qu'on peut appeler aujourd'hui l'équivalent de toilettes. À l'époque, il n'y avait pas de toilettes, c'était fil khala. Hein? Ils allaient loin des yeux des gens et ils faisaient leurs besoins. Donc, il est sorti avec Umm Mustah. Il est sorti avec Umm Mustah pour faire leurs besoins. فخرجت في الليل تريد أن تقضي حاجتها مع أم مصطح. Donc elle est partie pour faire ses besoins avec Umm Mustah loin. فخرجوا في الطريق وهم قافلون وراجعون. Et quand ils revenaient sur le chemin, سقطت أم مصطح وتعثرت. Hein? بسبب مرطها. أم مصطح, elle est tombée à cause de sa robe en laine. Elle a marché sur sa robe en laine, elle est tombée. فلما سقطت قالت أم مصطح تعس مصطح. Quand elle est tombée, أم مصطح, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit malheur à مصطح. Malheur à مصطح. عائشة رضي الله عنها, quand elle a entendu cette parole, elle a été étonnée. Comment, يعني, en tombant, juste pour, elle est tombée, et elle a souhaité le malheur à son fils مصطح. لأنها كلمة تعس معناها لازمه الشر. يعني elle souhaite le malheur, elle souhaite le mal à son fils. Hein? ف يعني cette parole elle a plusieurs significations. Mais à la signification principale c'est souhaiter le malheur à quelqu'un. Et le fait d'invoquer contre quelqu'un. فقالت لأم مصطح بئس ما قلت. Elle dit mais quelle mauvaise parole que tu dis là. أتسبين رجلا قد شهد بدرا. Elle lui dit, est-ce que tu insultes un homme qui a assisté à la bataille de Badr? يعني كأنها تنكر عليها لم تقوليها لم تقولين هذا. C'est comme si, eh bien, elle l'a réprimandé. Tu ne dois pas dire ça. Ya Umm Mustah, ton fils, il a fait la bataille de Badr. Tu n'as pas à dire des choses comme ça sur les gens qui ont assisté à la bataille de Badr. C'est une chose qui ne se dit pas. Ala ta'lamin anna ibnaka aw ibnaki Misbah qad shahida Badr. C'est pas que il a assisté à la bataille de Badr, ton fils. والذين شهدوا بدرا لهم من الكرام ولهم من الخير والفضل وقد جاء الحديث المشهور اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني lui dit tu n'as pas à dire ça et tu ne sais pas que ceux qui ont assisté à la bataille de Badr ils ont un honneur et ils ont une place et un rang élevé auprès d'Allah azza wa jall et le hadith est connu hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aux gens de Badr faites ce que vous voulez Allah Azza wa Jal vous a pardonné. Hein? Isna'u ma shi'tum. Le hadith il est connu. Famadha qalat laha Misbah? Alors Misbah lui a répondu. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Fa qalat laha ayhantah. Awa lam tasma'i maqal? Hantah en fait c'est un mot qui veut dire pauvre sotte ou naïf que tu es. Hein? N'as-tu pas entendu ce que Misbah dit sur toi? Elle lui a dit ça. Alam tasma'i ma qal? Misbah hadhihi ya khalatu Abu Bakr as-Siddiq. Misbah c'est la tante maternelle de Abu Bakr radiyallahu anhu. Fa Misbah lahu qaraba, hein, min Abu Bakr. Misbah il est proche d'Abu Bakr. Hein? Puisque c'est son cousin. C'est le cousin d'Abu Bakr Misbah. Et il est proche de Aïcha radiallahu anha. Hein? Faqalat laha ayhanta. Un peu de pauvre sotte. Hein? Et la pauvre sotte, comme on a dit, c'est. Hanta, c'est une femme naïve. Hein? Qui ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Hein? Elle lui a dit, yani ces mots-là. Awalam tasma'i maqa. N'as-tu pas entendu ce qu'il dit Misbah? فقالت عائشة رضي الله عنها وماذا قال؟ عائشة يقول كيس كيل دي؟ ماذا قال مصطح؟ فأخبرتها بالخبر أخبرتها بقول أهل الإفك et là lui a dit les gens calomnient sur toi et disent que tu as commis l'adultère avec Safwan. قالت عائشة رضي الله عنها فزدت مرضا إلى مرضي quand elle a entendu ça Eh bien, sa maladie est revenue. Hein? Elle allait mieux un petit peu, et là, eh bien, ça a chuté. La maladie s'est amplifiée malgré qu'elle commençait à aller mieux. Donc, il commençait à partir, cette maladie commençait à partir. Et quand eh bien, elle a entendu cette information de la bouche de Misbah, eh bien, elle est retombée malade encore plus qu'elle ne l'était auparavant. Radiallahu anha wa ardaha. Wa anna hadha al-bala, la shakka anna hadha al-bala, faqad ibtuliyat radiallahu anha bihadha. Hadha alladhi nazala biha kayfa la, wa hiya siddiqa radiallahu anha. Hiya siddiqatul umma, wa ummul mu'minin. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها كانت والله بريئة وقد برأها الله عز وجل وقاذفها عبد الله بن أبي بن سلول وهو الظالم وهو المفتري وهو الذي قد بلغ أذاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى عائشة نفسها رضي الله عنها أو عنهم وأرضاهم Et donc cette épreuve hein, avec laquelle a été éprouvée Aïcha radiallahu anha, hein, eh bien c'est une épreuve énorme qui lui est arrivée en réalité. Alors que c'est la véridique de cette communauté. Et la fille du véridique de cette communauté, c'est la mère des croyants. Et c'était la bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam. Et par Allah azza wa jal, elle était innocente de tout ce que pouvait dire à son encontre Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui était injuste qui était un calomniateur hein? Et le tort qu'il a causé à Aïcha radiallahu anha il ne s'est pas arrêté seulement à Aïcha il s'est propagé au prophète alayhi salatu wassalam il s'est propagé également à ses proches Abu Bakr radiallahu anhu hein? Le père de Aïcha et à Umm Rumman qui était la mère de Aïcha radiallahu anha Donc cette épreuve, elle a englobé plusieurs personnes et pas seulement Aïcha radiallahu anha. إذن هذه لما سمعت الخبر عائشة رضي الله عنها تأثرت donc elle a été touchée عائشة رضي الله عنها quand elle a entendu cette information. وازداد مرضها et sa maladie s'est amplifiée. فرجعت إلى البيت et donc il est revenu chez elle. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu la voir. Il a salué et il lui a dit « Comment allez-vous » Comme c'était son habitude depuis un mois. « فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيْ فَقَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرْ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Donc qu'est-ce qu'elle a dit au prophète صلى الله عليه وسلم ? Elle lui a dit « Ô messager d'Allah, est-ce que tu me permets d'aller voir mes parents ?» Et ça montre eh bien, que la femme, alhamdoulilah, elle a un adab, elle demande à son mari, etc. Elle a un comportement à avoir. Et elle lui a dit, est-ce que tu m'autorises à aller voir mes parents? Pourquoi? Parce qu'elle voulait confirmer cette information auprès de ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné la permission. Il lui a donné la permission, elle voulait aller voir ses parents pour confirmer l'information qui lui a été rapportée par Umm Mustah. Et elle voulait questionner ses parents, sa mère, est-ce que cette information qui est rapportée est vraie? Est-ce que cette information qui s'est propagée parmi les gens à mon sujet est vraie? Donc il est parti, il est rentré voir sa mère. فَقَالَتْ فَقُلْتُ لِأُمِّي يَا أُمَّتَا مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسِ قَالَتْ يَا بُنَيَّ أو يعني يا بنية نعم هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ô mère, elle demande à sa mère, est-ce que c'est vrai que les gens parlent sur moi et calomnient sur moi et disent que j'ai fait ceci et cela avec sa foi? Alors sa mère, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit radiyallahu anha Umm Ruman anti imra'atun jamila hasna wa fiki min al wada'a fa ma'a dhalika laki dhara'ir yani zawjat wa hum zawjat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit ô ma fille, tu es une femme, tu es une belle femme jeune éclatante de beauté et avec cela eh bien tu as des concubines, les autres femmes du prophète alayhi salatu wassalam. الضرائر en arabe c'est des concubines. فقالت إلا كثرنا عليها et il se peut que eh bien elle parle sur toi, elle ramène tes défauts, elle diminue de ta valeur. ولكن هذه النظرة هي نظرة أم عائشة وهي أم رومان. Et donc ce regard qu'elle ramène, c'est le regard d'Umm Ruman, c'est la vie d'Umm Ruman qui est la mère de Aïcha radiallahu anha. Lakin mada qalat Aïcha radiallahu anha lamma sami'at hadha al-kalam tayaqqantu anna al-khabara qad sha' wa anna hadha sahih fahiyya dhahabat li tatayaqqan min hadha al-khabar min qibali ummiha wa abiha qalat faqultu subhanallah awala qad tahaddatha al-nas bihadha qalat fabakaytu tilka al-layla hatta asbahtu la yarqa'u li dam' wa la aktahilu binawm. Qu'elle est venue, sa mère, elle a tenté de la réconforter en lui disant cela, avec son regard de mère, en lui disant de ne pas prêter attention en réalité au commérage, etc. Et que tu peux susciter la jalousie parmi les autres femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc elle s'est dit, est-ce que les gens disent vraiment cela? Et donc elle a vu qu'en réalité, eh bien sa mère ne voulait pas lui dire, mais que c'était une chose qui était propagée parmi les musulmans et parmi les gens. Elle a dit subhanallah, gloire à Allah, est-ce que les gens disent vraiment cela de moi? Et donc elle a commencé à pleurer radiallahu anha toute la nuit jusqu'à ce que le jour se lève et les larmes ne n'arrêtaient pas de couler sur son visage et elle ne trouvait pas le sommeil radiallahu anha, les larmes coulaient sans discontinuer. à cause eh bien, du fait qu'elle a su que les gens parlaient sur elle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas le wahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne recevait plus aucune révélation. La révélation était interrompue à ce moment-là. Comme ceci est rapporté eh bien, dans certaines versions. بِمَعْنَا تَأَخَّرَ وَأَبْطَى وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاذَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَادَى عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَنَادَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ Prophète صلى الله عليه وسلم, hein, il n'avait plus de révélation. Donc il a appelé Ali ibn Abi Talib. Il a appelé Usama ibn Zayd رضي الله عنهما وكانوا من أقرب الناس إليه. Il faisait partie des gens les plus proches de lui. ذاك حبه وذاك ابن عمه وزوج ابنته فاستشاره. Il y en avait un qui était son proche, l'autre c'était son gendre et son cousin, et donc il leur a demandé conseil. Il leur a demandé conseil, est-ce que je dois laisser ma famille, hein? Est-ce que je dois la délaisser ou pas? فقال أسامة بن زيد أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا. Usama ibn Zayd, quand il lui a demandé, il a demandé conseil, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ta famille, au messager d'Allah. Hein? C'est ta famille et nous ne connaissons d'elle que du bien. En parlant de Aïcha radhiyallahu anha. Hum ahluka ya Rasulallah, wa la na'lamu illa khayra, fa kanat istisharatu aw ashara alayhi Usama bi anna Aïcha bari'atun wa la ya'lamu anha shay'a. Donc le Usama ibn Zayd, il a conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit que Aïcha radhiyallahu anha était innocente et qu'il ne connaissait que du bien, rien de mauvais sur elle. Que le bien. Et c'est ta famille. Hein? Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait Aïcha radhiyallahu anha énormément. Falihada, hein, il lui a dit, c'est ta famille, ô messager d'Allah, et nous ne savons et nous ne connaissons d'elle que du bien. أما علي رضي الله عنه قال له لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. علي رضي الله عنه qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ne te casse pas la tête au messager d'Allah. Allah Azza wa Jal ne va pas, hein, t'opprimer. Et les femmes comme elles sont nombreuses. Demande à sa petite servante, elle te dira la vérité. Is'al hadhihi al-jariya. Yani demande à la servante de Aïcha radhiyallahu anha. Elle te dira la vérité, elle t'informera, hein, sur Aïcha. Hal yani est-ce que Aïcha radhiyallahu anha aurait fait quelque chose, elle le saurait. Et cette servante, il est rapporté dans Sahihain, dans les deux authentiques, qu'elle s'appelle Barira. Et certains savants, il voit que le nom de Barira, il n'est pas authentique. Hein, que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Barira, elle ne rencontre Aïcha radiallahu anha et Aïcha ne l'achète que plus tard. Wa qissatul ifk fi sanatil khamisa. Alors que cet événement, il s'est produit en l'an 5. Et Barira, cette servante, Aïcha radiallahu anha, elle ne l'achète que après. وقالوا إن عليا ما قال له اسأل بريرة. Ils ont dit que Ali رضي الله عنه, eh bien, il lui a pas dit au prophète صلى الله عليه وسلم demande à بريرة. Il lui a dit demande à la servante. Il a pas prononcé le prénom. فظن الراوي أن الجارية هي بريرة. Et donc celui qui rapporte le hadith, il a pensé que la servante c'était بريرة. فقال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة. Et donc il a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé à ce qu'on ramène cette servante Barira ou pas, ou qu'elle s'appelle Barira ou pas, à la Kulihal, ce n'est pas un souci. Il est rapporté dans les deux authentiques, Ja adikru Barira. Dans les deux authentiques, il est rapporté que c'est Barira qui est rapporté. Wala'alla dhalika aydan sahih. Il se peut que ce soit authentique. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait une relation ancienne entre Barira et Aisha radiallahu anha avant qu'elle ne l'achète. Hein? Avant qu'elle ne l'achète. Barira. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a questionné Barira. Il lui a demandé. فقال لها هل رأيت من شيء يريبك. As-tu vu une chose qui te donne un doute sur Aïcha? qui pourrait te faire douter qu'elle ait fait quelque chose ou pas. فماذا قالت بريرة؟ Qu'est-ce qu'elle a dit بريرة؟ فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit: je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai jamais rien vu de répréhensible concernant Aïcha radiallahu anha, sinon étant une toute jeune femme, il lui arrive parfois de s'endormir auprès du dîner de son mari pendant qu'elle le prépare, elle s'endort, et de laisser manger sa pitance par le mouton familier de la maison. C'est-à-dire à l'époque, il y avait des moutons qui rentraient et qui sortaient. On le voit même dans nos pays d'origine, hein, quand on va au bled, ça peut arriver. Ils rentrent, ils sortent, hein, et ils peuvent, si tu laisses à manger, ils vont te prendre. Sahih Hamla, ils vont te prendre. Et bien là, elle s'endormait, elle voyait des fois Aïcha préparer à manger pour son époux, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dîner, et puis elle s'endormait. Elle était jeune, c'était une jeune fille. Elle s'endormait, et puis le mouton il venait, et il mangeait le dîner. Elle dit: j'ai que ça à lui reprocher. Hein? J'ai que ça, que ce défaut à lui reprocher. Tanam an ajini ahliha, fata'ti d'ajin. Hein? Fata'ti d'ajin. D'ajin, c'est chat, c'est le mouton, l'ati ta'ish ou fil bayt, wa ta'alif fil bayt. Hein? Qui a l'habitude de rentrer et de sortir dans la maison. Wa qad takhruj wa tadkhul, fata'kul hadha al-ajin. Elle mange le dîner ou la pâte, etc., que la personne a préparé. Wa Aisha radiallahu anha, qad tanam an hadha al-ajin. Donc ça c'est la seule chose que j'ai vue, ou le seul défaut que j'ai constaté chez Aïcha radhiyallahu anha. Et dans certaines versions, قالت هذه الجارية وهي أيضا حديثة السن فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. Et dans d'autres versions, il est rapporté qu'elle dit, yani cette servante, en parlant de Aïcha radhiyallahu anha, hein, je ne connais d'elle que ce que le joaillier, hein, connaît de yani l'or rouge qu'il façonne. L'or rouge qu'il façonne, c'est-à-dire qu'il est pur et sincère. Elle est pure et sincère. فَكَذَلِكَ مَا عَلِمَتْ عَنْهَا إِلَّا ذَلِكَ أَنَّهَا خَالِصَ صَافِيَ كَذَّهَبِ الْأَحْمَرِ. Elle ne sait que, elle ne connaît que la pureté et que la sincérité de Aïcha radiallahu anha. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da an istashara Aliyan istashara wa istashara Usama wa sami'a min al-jariya qama 'ala al-minbar. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait demandé conseil à Ali, après qu'il ait demandé conseil à Usama ibn Zayd, après qu'il ait demandé des renseignements à la servante Barira, eh bien il est monté sur le minbar. Il est monté sur le minbar fasta'adha. Hein? Et il a demandé aux gens. فقال من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. هذا معناه استعذر. فخرج وصعد على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ويقصد بذلك صفوان بن المعطل وما يدخل على أهلي إلا معي. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il a dit: oh vous les gens, il est monté sur le minbar, il a dit: oh vous les gens, que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent au travers les membres de ma famille en répandant sur eux de faux bruits? Ensuite il dit: par Allah, je ne connais que du bien de ma famille, yani de Aïcha radhiyallahu anha, et que du bien de l'homme dont il parle, yani Safwan ibn al-Mu'attal. Hein? Et cet homme, il n'est jamais rentré dans une de mes maisons sans que je ne sois avec lui. Hein? Donc il dit ça aux gens. C'est ça le sens de Istarda. Qu'il est venu et il demande aux gens: qu'est-ce que vous pensez de gens qui disent et qui m'offensent au travers de ma famille? فَلَمَّا سَمِعَ هَذَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذَ الْأَنصَارِ. Donc il y avait les gens, et parmi eux les chefs de tribu. Chef de tribu l'Aous et chef de tribu de Khazraj, qui étaient les deux grosses tribus de Médine. Mais Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, qui était le chef de la tribu des Aous, qu'est-ce qu'il a dit ? فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ. Alors, Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aous, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, moi, au messager d'Allah, a dit, si cette personne qui propage ces faux bruits fait partie de la tribu des Aous, je lui couperai la tête. لأن سعد بن معاذ هو سيد الأوس. سعد بن معاذ الذي سيد الشيف دي أوس. سعد بن معاذ الأنصاري وهو سيد الأوس. فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا الذي سأعذرك إن كان هذا الرجل الذي قد بلغ أذى إلى أهل بيتك وهو من قبيلتي من الأوس سنضرب عنقه. Donc il dit, en tant que chef des Aous, si cette personne qui parle et qui t'offense au travers de ta famille fait partie de ma tribu, eh bien je m'occuperai personnellement de lui et on lui tranchera la tête. Il dit ça, Sa'd ibn Mu'adh, parce qu'à l'époque, eh bien c'était des tribus et les chefs de tribus, c'était eux qui décidaient. C'est eux qui décidaient. Il y avait des systèmes pyramidaux où est-ce qu'il y avait, eh bien, des coutumes et où est-ce qu'il y avait des chefs, et les gens devaient obéir au chef de la tribu, au chef de la famille. Ensuite, il dit: وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَعَلْنَا أَمْرَكَ. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: par contre, s'il fait partie de la tribu de nos frères, le Khazraj, tu nous ordonneras ce que tu veux, on le fera. On le fera. On fera ce que tu veux de cet homme, même s'il fait partie de la tribu de nos frères, le Khazraj. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَامَ رَجُلٌ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادٍ. À ce moment-là, quand Sa'd ibn Ubad a entendu cette parole de Sa'd ibn Mu'adh, et Sa'd ibn Ubad, c'est le chef des Khazraj. Sa'd ibn Mu'adh, c'est le chef des Khazraj. Qu'est-ce qu'il a fait, Sa'd ibn Mu'adh, quand il a entendu les paroles de Sa'd ibn Mu'adh, Aïcha radhiyallahu anha, elle nous relate ses paroles. Il a dit, Sa'd ibn Ubadah s'est levé, le chef des Khazraj. Et c'était une personne, un homme pieux. Walakin, à ce moment-là, comme elle dit, ishtahalathu al-hamiyya. Il a été pris de fureur. Yani, aghdabathu hadhihi al-kalima. Wa hamalathu ala an yaf'ala ma hadha al-fi'l. Wa ma huwa al-fi'l. Yani, cette fureur, elle l'a poussé à faire quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Sa'd ibn Mu'adh, il s'est levé, il a dit à Sa'd ibn Ubadah, pardon, il a dit à Sa'd ibn Mu'adh, كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. Tu mens par Allah, tu ne feras rien et tu ne pourras même, tu seras dans l'incapacité de lui faire quoi que ce soit, de le toucher. Il lui a dit ça. Pourquoi il lui a dit ça? Et personne ne se dit, mais pourquoi il dit ça, Sa'd ibn Ubadah, Sa'd ibn Mu'adh? Qu'est-ce qui l'a poussé à dire cette parole devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la mosquée? Pourquoi il a dit ça? Ba'duhum qal li anna Sa'd ibn Mu'adh lamma qala wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa'anna amrak qalu huna fihi ighfalun li qiyadati Sa'd ibn Ubad. Certains savants, ils disent, pourquoi il a fait ça? Parce que quand Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aous, il a dit, s'il fait partie de nos frères, al-Khazraj, ordonne-nous quelque chose et nous on le fera, on l'appliquera sur cette personne, eh bien, ils ont dit que Sa'd ibn Mu'adh, c'est comme s'il se substituait au pouvoir de Sa'd ibn Ubad. Ça veut dire qu'il a pris la place de chef de Sa'd ibn Ubad. Et ça, c'est des choses qui ne se faisaient pas chez les Arabes. Chez les Arabes, ça ne se faisait pas. Tu ne peux pas décider du sort d'une personne qui n'est pas de ta tribu. Et donc, Sa'd ibn Ubad, il s'est énervé, il s'est mis en colère. Il dit, comment? Il m'a pris pour qui? Dans le sens, il m'a pris pour qui? Je suis chef de Khazraj, et lui, il va décider pour une personne de Khazraj à ma place, alors que lui, sa tribu, c'est l'Aous. Il a dit, c'est pas possible. Yani, كان سعد بن عبادة ينتظر من سعد بن معاذ أن يقول وإن كان من إخواننا خزرج فسيدهم سعد بن عبادة. Vérité, il attendait quoi lui, Sa'd ibn Ubada? Il attendait que Sa'd ibn Mu'adh, il dise, Tayyib, s'il fait partie de la tribu des Khazraj, eh bien voilà leur chef, Sa'd ibn Ubada, hein, il fera, etc. Mais là, il n'a pas dit ça, il a négligé Sa'd ibn Ubada, le chef des Khazraj. Et donc, il a été pris de colère. Sa'd ibn Ubada, il a été pris de colère, hein, min hadha shay. Et donc il a dit cette parole. Il a dit كذبت لعمر الله لا تقتلنه فإنك منافق. Il a dit فإنك منافق تجادل. Non, il a dit tu ne tueras pas et tu ne toucheras pas. Hein? Tu ne tueras pas et tu ne pourras pas, tu n'auras pas la capacité de le toucher. على كل حال قد حصل ما حصل وهم صحابة وأجلاء. Donc c'est passé ce qui s'est passé, alors que c'est des compagnons. Sahih Hamla. C'est des compagnons illustres. Et ils ont été, on leur a annoncé le paradis à ces deux personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé le paradis de leur vivant. Bushiru bil jannah. Walakin laysu bi ma'soumin. Mais, il faut savoir que ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Kama ya'taqidu ahlu sunnah wal jama'ah. Ahlu sunnah wal jama'ah, parmi leur aqida, ils savent que les compagnons, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. قد يحصل منهم الخطا. Ils peuvent tomber dans les erreurs. Et si eux ils sont tombés dans les erreurs, nous encore plus. لكن رفعهم الله عز وجل ورفع شأنهم فقال هذه الكلمة. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il a élevé leur rang par rapport aux autres musulmans. Il a élevé leur honneur. ولله الحمد. Et donc Sa'd ibn Ubada, il a dit cette kalima. Il a dit cette kalima. Et donc un autre compagnon, un troisième compagnon, il s'est levé. Il s'appelle Usayd ibn Hudayr. Wahou ibn Am, Sa'd ibn Mu'adh. Et lui, c'est le cousin de Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aws. Il s'est levé. Faqala Usayd ibn Hudayr. Qala li Sa'd ibn Ubada. Et donc il s'est levé, il a dit à Sa'd ibn Ubada. Kadabt la'amrullahi lanaqtulannahu fa'innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin. Il s'est levé, il a dit au chef des Khazraj, il lui a dit, tu es un menteur. Par Allah, on le tuera. Et toi, tu es un hypocrite. Et tu débats au sujet des hypocrites. C'est des compagnons. Il lui dit, tu es un hypocrite. Et l'autre, il lui dit, tu ne feras rien. Dans la mosquée, devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous un petit peu la tension qu'il y avait à ce moment-là. Fa, lihada qala shaykh al-islam al-taymiyyah رحمه الله وهؤلاء الثلاثة يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وكذلك وسيد بن حضير قال هؤلاء الثلاثة من خيار السابقين. خلال الإسلام ابن تيمية en parlant de ces trois-là, il dit ces trois-là font partie des meilleurs, des premiers qui sont rentrés en islam. وقد قال وسيد بن حضير لسعد بن عبادة فإنك منافق تجادل عن المنافقين. Usayd ibn Hudayr, il a dit à Sa'd ibn Ubada, tu es un hypocrite et tu débats au sujet des hypocrites. وهذا مؤمن ولي لله عز وجل. Que en réalité c'est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un croyant. Il fait partie des gens du paradis. وذاك مؤمن ولي لله عز وجل من اهل الجنه. Et l'autre pareil. Ils font partie des élus d'Allah عز وجل. Ils font partie des gens qui sont au paradis باذن الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté qu'ils iront au paradis. فدل على ان الرجل قد يتكلم بالكلمه تاويلا وقد يكفر اخر بالتاويل ولا يكون واحدا او واحد منهما كافرا. Il dit, ceci prouve qu'un homme, eh bien, il se peut des fois qu'il parle selon sa propre interprétation. Avancez, voilà, Claude. Sa propre interprétation, et il rend mécréant un autre par son interprétation, et en réalité, aucun des deux n'est mécréant. قد تصدر منه الكلمة ولكن بسبب التأويل قد تصدر منه هذه الكلمة وإلا لا شك ولا ريب أن سعد بن عبادة من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc par interprétation il peut dire à une personne ceci ou cela, mais on n'a aucun doute بحول الله تعالى que سعد بن عبادة il fait partie des meilleurs compagnons, même si l'autre Usayd ibn Hudayr رضي الله عنه il lui a dit que tu es un hypocrite. Laysa bi munafiq. Ce n'est pas un hypocrite. Wa ma'a dhalika qala lahu Usayd fa innaka munafiq. Mais malgré cela, Usayd lui a dit, tu es eh bien un hypocrite, tu débats eh bien sur les hypocrites. Fa madha hasan? Fa thara al-hayyan al-Aws wal-Khazraj hatta hammu an yaqtatilu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est suivi une altercation. Une grosse altercation à tel point qu'ils ont failli s'entretuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé de ramener le calme. Il a été obligé de ramener le calme. On va s'arrêter là alors les frères, inshallah. On continuera la semaine prochaine alors. Bihawlillahi ta'ala. Cette qissa, on la terminera la semaine prochaine parce que je pense que même si on reste un petit peu plus, on n'aura pas le temps de la terminer. On terminera la semaine prochaine بحول الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وبحمده ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك